Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 1er. Voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Chacun y entra avec sa maison. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Naphtali, Gad et Aser. Ainsi toutes les âmes de ceux qui sont issus de Jacob étaient 70. Mais Joseph était en Égypte. Joseph mort et tous ses frères et toute cette génération, les enfants d'Israël s'accrurent et se multiplièrent, comme s'ils eussent germé. Et devenus extrêmement forts, ils remplirent la terre. Cependant, il s'éleva en Égypte un nouveau roi, qui ne connaissait pas Joseph. Et il dit à son peuple, « Voici que le peuple des enfants d'Israël est nombreux et plus fort que nous. Venez, opprimons-le par prudence, de peur qu'il ne se multiplie, et que s'il s'élève contre nous une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, et que nous, vaincus, il ne sorte de la terre. » Il préposa donc sur eux des chefs de travaux pour les accabler de charges. Et ils bâtirent à Pharaon les villes des tentes, Phitom et Ramessès. Mais plus on les opprimait, plus ils se multipliaient et croissaient. Et les Égyptiens haïssaient les enfants d'Israël, et les affligeaient en les insultant. Et ils rendaient leur vie amère par des ouvrages pénibles de mortier et de briques, et par toute espèce de servitude dont ils les accablaient dans des ouvrages de terre. Or le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, dont l'une se nommait Séphora et l'autre Choua, leur ordonnant, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que le temps de l'enfantement sera venu, si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, conservez-la. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent pas selon l'ordre du roi d'Égypte, mais elles conservaient les garçons. Appelé devant lui, le roi dit, « Qu'est-ce que vous avez voulu faire en conservant les garçons ?» Elles répondirent, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes, car elles savent accoucher elles-mêmes. » Aussi, avant que nous venions vers elles, elles enfantent. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple s'accrut et se fortifia extrêmement. Et parce que les sages-femmes craignirent Dieu, il leur bâtit des maisons. Pharaon commanda donc à tout son peuple, disant, « Tout ce qui naîtra du sexe masculin, jetez-le dans le fleuve. Tout ce qui naîtra du féminin, conservez-le. » Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.